Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Aujourd'hui, nous avons le top cruise du meilleur réalisateur. Oh oui. Top. Alors Serena, Top Cruise du meilleur réalisateur, c'est tout bêtement le meilleur réalisateur qui a réalisé un film avec Tom Cruise dedans. Mais alors, il faut dire qu'on est obligé de dire réalisateur et pas réalisatrice, parce qu'il y a zéro réalisatrice. Ah oui. Aucune. Ah c'est Hollywood, hein. Hollywood n'est pas très connu pour les réalisatrices. Hein. Bah, quand même. Aucune. Oui, aucune. Voilà. Voilà. Bah, fin d'épisode. Bah, non. Mais je dois encore faire le top 3. Après alors, ce petit coup de gueule. Oui, non, mais c'est vrai que c'est étonnant quand même, parce que tu dis, il cherche des auteurs, de réalisateurs de partout dans le monde. Il est possible qu'il n'a pas choisi une meuf dans 50 ans de carrière. Parce qu'à Hollywood, il n'y a pas de femme réalisatrice. Tu ne le savais pas, ça? Tu n'avais pas eu l'info? Moi, j'aimerais beaucoup que Tom Cruise fasse un film avec Jane Campion. Bah oui, bah, c'était la seule, hein, de toute façon. Oui, bah non, il y en a d'autres, mais... Pour Hollywood, c'est la seule. Catherine Bigelow, quand même. Catherine Bigelow. Ah oui, il y en a d'autres. Bon, bref. Fin du coup de gueule. Au numéro 3, allez. Je mettrai Scorsese. Martin. Notre ami Martin Scorsese. Martin Scorsese. Donc c'était la couleur de l'argent. Ah, parce que c'est vrai que Boris m'en a reparlé hier en me disant, je l'ai vu, putain, il est trop bien et tout. Ouais. Et j'ai réfléchi à tous les plans, même tous les plans sur les billards, c'est quand même dingos. Il y avait un truc vraiment... de réalisation forte, oui, sur un truc pas très simple en fait, parce que les billards, bon. Et je trouve vraiment Scorsese, il a sa touche et voilà. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pas le plus grand film qu'il ait fait, mais quand même. Mais rien qu'un film mineur de Scorsese, ça reste un grand film. Oui, complètement. Ouais. Et c'est vrai que c'est des plans qui me sont vachement restés. Parce que j'ai réfléchi un peu comme ça, je suis pas allé voir. C'est des plans qui me sont vraiment restés. Collé, oui, c'est quoi. Des films qui t'ont marqué à fond. Ouais. Quoi. Ouais. Parce qu'après, il faut dire qu'il a bossé avec des tonnes et des tonnes de réalisateurs très connus. Oui, parce que Coppola, c'est un grand réalisateur, mais bon, le film dans lequel joue, c'est pas forcément le plus impactant. Donc, Scorsese. Au deuxième, à la deuxième place, j'ai mis Brian De Palma. Mission Impossible, hein, il est fou. Waouh. Moi, je me rappelle très très bien que ça m'avait marqué déjà à l'époque, tout le plongée contre plongée du pseudo méchant avec Tom Cruise dans les fameux restaurants ou aquarium. Ouais. Il est ouf, quoi. Il est super suggestif, mais il a trouvé même la scène du fil sans musique. En fait, il a des idées scénaristiques quoi. La scène d'intro où ça passe à la télé, t'as l'impression que c'est cheap et après, bam, on éclate tout et là t'as un travelling, machin, c'est génial. Ah, franchement, un des films, en réalisation, je me disais, putain, mais il est vraiment oufissime. Sans que forcément ça soit le chef-d'œuvre dans le sens tout à fait général, mais ouais, c'est un super réal, quoi. Voilà. Alors, le numéro 1. Number one, of course. C'est Christopher McQuarrie. Ben oui, c'est Kubrick, d'accord. Ah, ben oui, j'avais oublié que Stanley. Mais c'est vrai. Si, c'est vrai. Il y a des plans quand même ouf. Ouais, il y a des plans qui sont ouf. Bon, j'ai quand même hésité à le mettre parce que par rapport au rapport aux comédiens et tout, c'est un peu abusé. Mais franchement, il y a des plans. C'est pas le plus grand réalisateur et qu'il a bossé. C'est incroyable. Par rapport à Kubrick, effectivement, c'est pas la même marmelade. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il a fait des trucs. Regardez ce film, il a des plans de ouf, des musiques de malade, tout se entremêle parfaitement. Je sais pas, c'est vraiment fort, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Il est fort. Il est très fort. Donc, Kubrick, Eyes Wide Shut. Et jeu des comédiens aussi, des ouf. Parce que, Après, direction d'acteur un peu particulière, mais. Particulière, mais réussite. Bon, après, a priori, ça marche. C'est chelou, mais ça marche. Ouais. Et donc, voilà. Très simple, finalement. Bah oui. C'est quoi, du coup, Scorsese, De Palma, Kubrick? Ouais, c'est pas mal. Bah, t'oublies Spielberg, hein, mais... Bah, tu vois, je suis pas... Ah, toi, t'as pas marqué autant que ça par non. Spielberg. Ouais, non. Je comprends. Là, je l'aime bien, il y a des trucs... Mais il y a pas des plans que je me dis, waouh. Ah ouais, ah, moi, c'est quand même. Ouais. Ah ouais, pas tant. Mais c'était tout ton top. Bref. Et il est très bon. Merci beaucoup, Serena. Et merci à toi, et à demain. À demain.